La débâcle, troisième partie, chapitre 1. Pendant l'interminable journée de la bataille, Sylvine, du côté de Remilly, où était bâtie la petite ferme du père Fouchard, n'avait cessé de regarder vers Sedan, dans le tonnerre et la fumée des canons, toute frissonnante à la pensée d'Honoré. Et le lendemain, son inquiétude augmenta encore, accrue par l'impossibilité de se procurer des nouvelles exactes au milieu des Prussiens qui gardaient les routes, refusant de répondre, ne sachant du reste rien eux-mêmes. Le clair soleil de la veille avait disparu, des averses étaient tombées qui attristaient la vallée d'un jour livide. Vers le soir, le père Fouchard, tourmenté également dans son mutisme voulu, ne pensant guère à son fils, mais anxieux de savoir comment le malheur des autres allait tourner pour lui, était sur le pas de sa porte à voir venir les événements, lorsqu'il remarqua un grand gaillard en blouse qui, depuis un instant, rôdait le long de la route, l'air embarrassé de sa personne. Sa surprise fut si forte en le reconnaissant qu'il l'appela tout haut, malgré trois Prussiens qui passaient. « Comment ? C'est toi, Prosper ?» D'un geste énergique, le chasseur d'Afrique lui ferma la bouche, puis, s'approchant à demi-voix, « Oui, c'est moi. J'en ai assez de me battre pour rien, et j'ai filé. Dites donc, père Fouchard, vous n'avez pas besoin d'un garçon de ferme ?» Le vieux, du coup, avait retrouvé toute sa prudence. Justement, il cherchait quelqu'un, mais c'était inutile à dire. « Un garçon, ma foi, non, pas dans ce moment. Entre tout de même boire un verre. Je ne vais pas, bien sûr, te laisser en peine sur la route. » Dans la salle, Sylvine mettait la soupe au feu, tandis que le petit Charlot se pendait à ses jupes, jouant et riant. D'abord, elle ne reconnut pas Prosper, qui pourtant avait déjà servi avec elle autrefois. Et ce ne fut qu'en apportant deux verres et une bouteille de vin qu'elle le dévisagea. Elle eut un cri, elle ne pensa qu'à Honoré. « Ah, vous en venez, n'est-ce pas? Est-ce qu'Honoré va bien ?» Prosper allait répondre, ensuite il hésita. Depuis deux jours, il vivait dans un rêve, parmi une violente succession de choses vagues qui ne lui laissaient aucun souvenir précis. Sans doute, il croyait bien avoir vu Honoré mort, renversé sur un canon. Mais il ne l'aurait plus affirmé, et à quoi bon désoler le monde quand on n'est pas certain ? « Honoré, murmura-t-il, je ne sais pas, je ne puis pas dire. » Elle le regardait fixement, elle insista. « Alors, vous ne l'avez pas vu ?» D'un geste lent, il agita les mains avec un hochement de tête. « Si vous croyez qu'on peut savoir, il y a eu tant de choses, de toute cette sacrée bataille, tenez, je ne serais pas fichu d'en compter long comme ça. Non, pas même les endroits par où j'ai passé. On est comme des idiots, ma parole. » Et après avoir avalé un verre de vin, il resta morne, les yeux perdus, là-bas, dans les ténèbres de sa mémoire. Tout ce que je me rappelle, c'est que la nuit déjà tombait, au moment où j'ai repris connaissance. Lorsque j'avais culbuté en chargeant, le soleil était très haut. Depuis des heures, je devais être là, la jambe droite écrasée sous mon vieux zéphyr, qui, lui, avait reçu une balle en plein poitrail. Je vous assure que ça n'avait rien de gai, cette position-là. Des tas de camarades morts et pas un chat de vivant. Et l'idée que j'allais crever, moi aussi, si personne ne venait me ramasser. Doucement, j'avais tâché de dégager ma hanche. Mais impossible. Zéphyr pesait bien comme les 500 000 diables. Il était chaud encore. Je le caressais, je l'appelais avec des mots gentils. Et c'est ça, voyez-vous, que jamais je n'oublierai. Il a rouvert les yeux, il a fait un effort pour relever sa pauvre tête qui traînait par terre à côté de la mienne. Alors, nous avons causé. « Mon pauvre vieux !» que je lui ai dit. « Ce n'est pas pour te le reprocher, mais tu veux donc me voir claquer avec toi que tu me tiens si fort ?» Naturellement, il n'a pas répondu oui. Ça n'empêche que j'ai lu dans son regard trouble la grosse peine qu'il avait de me quitter. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, s'il l'a voulu ou si ça n'a été qu'une convulsion, mais il a eu une brusque secousse qui l'a jeté de côté. J'ai pu me mettre debout. Ah, dans un sacré état, la jambe lourde comme du plomb. N'importe, j'ai pris la tête de Zéphyr entre mes bras, en continuant à lui dire des choses, tout ce qui me venait du cœur, que c'était un bon cheval, que je l'aimais bien, que je me souviendrai toujours de lui. Il m'écoutait, il paraissait si content. Puis, il a eu encore une secousse, et il est mort, avec ses grands yeux vides qui ne m'avaient pas quitté. Tout de même, c'est drôle, et l'on ne me croira pas. La vérité pure, et pourtant qu'il avait dans les yeux de grosses larmes. Mon pauvre Zéphyr, il pleurait comme un homme. Étranglé de chagrin, Prosper dut s'interrompre, pleurant encore lui-même. Il avala un nouveau verre de vin, il continua son histoire, en phrases coupées, incomplètes. La nuit se faisait davantage, il n'y avait plus qu'un rouge rayon de lumière au ras du champ de bataille, projetant à l'infini l'ombre immense des chevaux morts. Lui, sans doute, était resté longtemps près du sien, incapable de s'éloigner avec sa jambe lourde. Puis, une brusque épouvante l'avait fait marcher quand même, le besoin de ne pas être seul, de se retrouver avec des camarades, pour avoir moins peur. Ainsi, de partout, des fossés, des broussailles, de tous les coins perdus, les blessés oubliés se traînaient, tâchaient de se rejoindre, faisaient des groupes à quatre ou cinq, des petites sociétés, où il était moins dur de râler ensemble et de mourir. Ce fut ainsi que dans le bois de la Garenne, il tomba sur deux soldats du 43e, qui n'avaient pas une égratignure, mais qui étaient là, terrés comme des lièvres, attendant la nuit. Quand ils surent qu'ils connaissaient les chemins, ils lui dirent leur idée, filer en Belgique, gagner la frontière à travers bois avant le jour. Il refusa d'abord de les conduire. Il aurait préféré gagner tout de suite Remilly, certain d'y trouver un refuge. Seulement, où se procurer une blouse et un pantalon? Sans compter que du bois de la Garenne à Remilly, d'un bord de la vallée à l'autre, il ne fallait point espérer traverser les nombreuses lignes prussiennes. Aussi finit-il par consentir à servir de guide aux deux camarades. Sa jambe s'était échauffée, ils eurent la chance de se faire donner un pain dans une ferme. 9 heures sonnèrent à un clocher lointain, comme ils se remettaient en route. Le seul grand danger qu'ils coururent, ce fut à la chapelle, où ils se jetèrent au beau milieu d'un poste ennemi qui prit les armes et tira dans les ténèbres. Tandis que, se glissant à plat ventre, galopant à quatre pattes, il regagnait les taillis sous le sifflement des balles. Dès lors, ils ne quittèrent plus les bois, l'oreille aux aguets, les mains tâtonnantes. Au détour d'un sentier, ils rampèrent, ils sautèrent aux épaules d'une sentinelle perdue dont ils ouvrirent la gorge d'un coup de couteau. Ensuite, les chemins furent libres. Ils continuèrent en riant et en sifflant. Et vers 3 heures du matin, ils arrivèrent dans un petit village belge, chez un fermier, brave homme, qui, réveillé, leur ouvrit tout de suite sa grange, où ils dormirent profondément sur des bottes de foin. Le soleil était déjà haut lorsque Prosper se réveilla. En ouvrant les yeux, tandis que les camarades ronflaient encore, il aperçut leur hôte, en train d'atteler un cheval à une grande carriole chargée de pain, de riz, de café, de sucre, toutes sortes de provisions cachées sous des sacs de charbon de bois. Et il apprit que le brave homme avait en France, à Raucourt, 2 filles mariées auxquelles il allait porter ses provisions, les sachant dans un dénuement complet à la suite du passage des Bavarois. Dès le matin, il s'était procuré le sauf-conduit nécessaire. Tout de suite, Prosper fut saisi d'un désir fou, s'asseoir lui aussi sur le banc de la carriole, retourner là-bas, dans le coin de terre dont la nostalgie l'angoissait déjà. Rien n'était plus simple, il descendrait à Remilly, que le fermier se trouvait forcé de traverser. Et ce fut arrangé en 3 minutes, On lui prêta le pantalon et la blouse, tant souhaitée. Le fermier le donna partout comme son garçon. De sorte que, vers 6 heures, il débarqua devant l'église, après n'avoir été arrêté que 2 ou 3 fois par des postes allemands. « Non, j'en avais assez !» répéta Prosper après un silence. « Encore, si l'on avait tiré de nous quelque chose de bon, comme là-bas, en Afrique. Mais aller à gauche pour revenir à droite, sentir qu'on ne sert absolument à rien, ça finit par ne pas être une existence. » Et puis, maintenant, mon pauvre Zéphyr est mort. Je serai tout seul. Je n'ai plus qu'à me remettre à la terre, n'est-ce pas? Ça vaudra mieux que d'être prisonnier chez les Prussiens. Vous avez des chevaux, père Fouchard. Vous verrez si je les aime et si je les soigne. » L'œil du vieux avait brillé. Il trinqua encore. Il conclut sans hâte. « Mon Dieu, puisque ça te rend service, je veux bien tout de même, je te prends. Mais quant au gage, faudra n'en parler que lorsque la guerre sera finie, car je n'ai vraiment besoin de personne, et les temps sont trop durs. » Sylvine, qui était restée assise avec Charlot sur les genoux, n'avait pas quitté Prosper des yeux. Lorsqu'elle le vit se lever, pour se rendre tout de suite à l'écurie et faire la connaissance des bêtes, elle demanda de nouveau « Alors, vous n'avez pas vu Honoré ?» Cette question, qui revenait si brusquement, le fit tressaillir comme si elle éclairait d'une lumière subite un coin obscur de sa mémoire. Il hésita encore, se décida pourtant. « Écoutez, je n'ai pas voulu vous faire de la peine tout à l'heure, mais je crois bien qu'Honoré est resté là-bas. »« Comment rester ?» Oui, je crois que les Prussiens lui ont fait son affaire. Je l'ai vu à moitié renversé sur un canon, la tête droite, avec un trou sous le cœur. Il y eut un silence. Sylvine avait blêmi affreusement, tandis que le père Fouchard, saisi, remettait sur la table son verre, où il avait achevé de vider la bouteille. « Vous en êtes bien sûr ? » reprit-elle d'une voix étranglée. « Dame, aussi sûre qu'on peut l'être d'une chose qu'on a vue. C'était sur un petit monticule à côté de 3 arbres, et il me semble que j'irai les yeux fermés. » En elle, c'était un écroulement. Ce garçon qui lui avait pardonné, qui s'était lié d'une promesse, qu'elle devait épouser dès qu'il rentrerait du service, la campagne finie. Et on le lui avait tué. Il était là-bas, avec un trou sous le cœur. Jamais elle n'avait senti qu'elle l'aimait si fort. Tellement un besoin de le revoir, de la voir malgré tout à elle, même dans la terre, la soulevait, la jetait hors de sa passivité habituelle. Elle posa rudement Charlot, elle s'écria « Bon, je ne croirai ça que lorsque j'aurai vu, moi aussi. Puisque vous savez où c'est, vous allez m'y conduire. Et si c'est vrai, si nous le retrouvons, nous le ramènerons. » Des larmes l'étouffaient. Elle s'affaissa sur la table, secouée de longs sanglots, pendant que le petit, stupéfait d'avoir été bousculé par sa mère, éclatait aussi en pleurs. Elle le reprit, le serra contre elle, avec des paroles éperdues, bégayées. « Mon pauvre enfant ! Mon pauvre enfant !» Le père Fouchard restait consterné. Il aimait tout de même son fils, à sa manière. Des souvenirs anciens durent lui revenir, de très loin, du temps où sa femme vivait, où Honoré allait encore à l'école. Et 2 grosses larmes parurent également dans ses yeux rouges, coulèrent le long du cuir tanné de ses joues. Depuis plus de 10 ans, il n'avait pas pleuré. Des jurons lui échappaient. Il finissait par se fâcher de ce fils qui était à lui, qu'il ne verrait plus jamais pourtant. Non. « De Dieu, c'est vexant de n'avoir qu'un garçon et qu'on vous le prenne !» Mais, quand le calme fut un peu revenu, Fouchard fut très ennuyé d'entendre que Sylvine parlait toujours d'aller chercher le corps d'Honoré, là-bas. Elle s'obstinait, sans cri maintenant, dans un silence désespéré et invincible. et il ne la reconnaissait plus, elle, si docile, faisant toutes les besognes en fille résignée. Ses grands yeux de soumission qui suffisaient à la beauté de son visage avaient pris une décision farouche, tandis que son front restait pâle sous le flot de ses épais cheveux bruns. Elle venait d'arracher un fichu rouge qu'elle avait aux épaules, elle s'était mise tout en noir, comme une veuve. Vainement, il lui représenta la difficulté des recherches, les dangers qu'elle pouvait courir, le peu d'espoir qu'il y avait de retrouver le corps. Elle cessait même de répondre. Il voyait bien qu'elle partirait seule, qu'elle ferait quelque folie s'il ne s'en occupait pas, ce qui l'inquiétait plus encore, à cause des complications où cela pouvait le jeter avec les autorités prussiennes. Aussi finit-il par se décider à se rendre chez le maire de Remilly, qui était un peu son cousin, et à eux deux, ils arrangèrent une histoire. Sylvine fut donnée pour la veuve véritable d'Honoré. Prosper devint son frère, de sorte que le colonel bavarois, installé en bas du village, à l'hôtel de la Croix de Malte, voulut bien délivrer un laissez-passer pour le frère et la sœur, les autorisant à ramener le corps du mari s'il le découvrait. La nuit était venue, tout ce qu'on put obtenir de la jeune femme, ce fut qu'elle attendrait le jour pour se mettre en marche. Le lendemain, jamais Fouchard ne voulut laisser atteler un de ses chevaux, dans la crainte de ne pas le revoir. Qui lui disait que les Prussiens ne confisqueraient pas la bête et la voiture? Enfin, il consentit de mauvaise grâce à prêter l'âne, un petit âne gris, dont l'étroite charrette était encore assez grande pour contenir un mort. Longuement, il donna des instructions à Prosper, qui avait bien dormi, mais que la pensée de l'expédition rendait soucieux, maintenant que, reposé, il tâchait de se souvenir. À la dernière minute, Sylvine alla chercher la couverture de son propre lit, qu'elle plia au fond de la charrette. Et, comme elle partait, elle revint en courant embrasser Charlot. « Père Fouchard, je vous le confie, veillez bien à ce qu'il ne joue pas avec les allumettes. »« Oui, oui, sois tranquille. » Les préparatifs avaient traîné. Il était près de 7 heures, lorsque Sylvine et Prosper, derrière l'étroite charrette que le petit âne gris tirait, la tête basse, descendirent les pentes raides de Remilly. Il avait plu abondamment pendant la nuit, les chemins se trouvaient changés en fleuves de boue, et de grandes nuées livides couraient dans le ciel, d'une tristesse morne. Prosper, voulant couper au plus court, avait résolu de traverser Sedan. Mais, avant Pont-Maugis, un poste prussien arrêta la charrette, la retint pendant plus d'une heure. Et lorsque le laissez-passer eut circulé entre les mains de 4 ou 5 chefs, l'âne put reprendre sa marche, à la condition de faire le grand tour par Bazeille, en s'engageant à gauche dans un chemin de traverse. Aucune raison ne fut donnée, sans doute craignait-on d'encombrer la ville davantage. Quand Sylvine passa la Meuse sur le pont du chemin de fer, ce pont funeste qu'on n'avait pas fait sauter et qui, du reste, avait coûté si cher aux Bavarois, elle aperçut le cadavre d'un artilleur descendant d'un air de flânerie au fil de l'eau. Une touffe d'herbe l'accrocha, il demeura un instant immobile, puis il tourna sur lui-même. Il repartit. Dans Bazeille, que l'âne traversa au pas, d'un bout à l'autre, c'était la destruction. Tout ce que la guerre peut faire d'abominables ruines quand elle passe, dévastatrice, en furieux ouragan. Déjà, on avait relevé les morts. Il n'y avait plus sur le pavé du village un seul cadavre. Et la pluie lavait le sang. Des flaques restaient rouges, avec des débris louches, des lambeaux où l'on croyait reconnaître encore des cheveux. Mais l'effroi qui serrait les cœurs venait des décombres, de ce Bazeille si riant 3 jours plus tôt, avec ses gaies maisons au milieu de ses jardins, à 7 heures effondrées, anéanties, ne montrant que des pans de murailles noircis par les flammes. L'église brûlait toujours, un vaste bûcher de poutres fumantes au milieu de la place, d'où s'élevait continuellement une grosse colonne de fumée noire, élargie au ciel en un panache de deuil. Des rues entières avaient disparu, Plus rien d'un côté ni de l'autre, rien que des tas de moellons calcinés bordant les ruisseaux. Dans un gâchis de suie et de cendres, une boue d'encre épaisse noyant tout. Aux quatre coins des carrefours, les maisons d'angle se trouvaient rasées, comme emportées par le vent de feu qui avait soufflé là. D'autres avaient moins souffert, une restée debout, isolée, tandis que celles de gauche et de droite semblaient hachées par la mitraille, dressant leurs carcasses pareilles à des squelettes vides. Et une insupportable odeur s'exhalait, la nausée de l'incendie, l'âcreté du pétrole surtout, versé à flots sur les parquets. Puis, c'était aussi la désolation muette de ce qu'on avait essayé de sauver, des pauvres meubles jetés par les fenêtres, écrasés sur le trottoir, les tables infirmes aux jambes cassées, les armoires aux flancs ouverts, à la poitrine fendue, du linge qui traînait, déchiré, souillé, toutes les tristes miettes du pillage en train de se fondre sous la pluie. Par une façade béante, à travers des planchers écroulés, on apercevait une pendule intacte sur une cheminée, tout en haut d'un mur. « Ah, les cochons !» grognait Prosper, en qui le sang du soldat qu'il était encore l'avant-veille s'échauffait à voir une abomination semblable. Il serrait les poings. Il fallut que Sylvine, très pâle, le calmât du regard, à chaque factionnaire qu'il rencontrait le long de la route. Les Bavarois avaient en effet posé des sentinelles près des maisons qui brûlaient encore. Et ces hommes, le fusil chargé, la baïonnette au canon, semblaient garder les incendies pour que la flamme achevât son œuvre. D'un geste menaçant, d'un cri guttural, quand on s'entêtait, ils en écartaient les simples curieux, les intéressés aussi qui rôdaient aux alentours. Des groupes d'habitants, à distance, restaient muets, avec des frémissements de rage contenus. Une femme, toute jeune, les cheveux épars, la robe souillée de boue, s'obstinait devant le tas fumant d'une petite maison dont elle voulait fouiller les braises ardentes, malgré le factionnaire qui en défendait l'approche. On disait que cette femme avait eu son enfant brûlé dans cette maison. Et tout d'un coup, comme le Bavarois l'écartait d'une main brutale, elle se retourna, elle lui vomit à la face son furieux désespoir, des injures de sang et de fange, des mots immondes qui la soulageaient un peu, enfin. Il devait ne pas comprendre, il la regardait, inquiet, reculant. Trois camarades accoururent, le délivrèrent de la femme qu'ils emmenèrent, hurlante. Devant les décombres d'une autre maison, un homme et deux fillettes, tous les trois tombés sur le sol de fatigue et de misère, sanglotaient, ne sachant où aller, ayant vu là s'envoler en cendres tout ce qu'ils possédaient. Mais une patrouille passa qui dissipa les curieux, et la route redevint déserte, avec les seules sentinelles, mornes et dures, veillant d'un œil oblique à faire respecter leurs consignes scélérates. Les cochons, les cochons, répéta Prosper sourdement. Ça ferait plaisir d'en étrangler un ou deux. Sylvine, de nouveau, le fit taire. Elle frissonna. Dans une remise épargnée par le feu, un chien, enfermé, oublié depuis 2 jours, hurlait d'une plainte continue, si lamentable qu'une terreur traversa le ciel bas, d'où une petite pluie grise venait de se mettre à tomber. Et ce fut à ce moment, devant le parc de Montivilliers, qu'ils firent une rencontre. 3 grands tombereaux étaient là, à la file, chargés de morts, de ces tombereaux de la salubrité que l'on emplit à la pelle le long des rues chaque matin de la desserte de la veille. Et de même, on venait de les emplir de cadavres, les arrêtant à chaque corps que l'on y jetait, repartant avec le gros bruit des roues pour s'arrêter plus loin, parcourant Bazeille entier, jusqu'à ce que le tas débordât. Ils attendaient, immobiles sur la route, qu'on les conduisît à la décharge publique, au charnier voisin. Des pieds sortaient, tressés en l'air. Une tête retombait, à demi arrachée. Lorsque les trois tombereaux de nouveau s'ébranlèrent, cahotant dans les flaques, une main livide qui pendait, très longue, vint frotter contre une roue, et la main, peu à peu, s'usait, écorchée, mangée jusqu'à l'os. Dans le village de Ballan, la pluie cessa. Prosper décida Sylvine à manger un morceau de pain qu'il avait eu la précaution d'emporter. Il était déjà 11 heures. Mais comme ils arrivaient près de Sedan, un poste prussien les arrêta encore. Et cette fois, ce fut terrible, l'officier s'emportait, refusait même de rendre le laissez-passer qu'il déclarait faux, en un français très correct d'ailleurs. Des soldats, sur son ordre, avaient poussé l'âne et la petite charrette sous un hangar. Que faire? Comment continuer la route? Sylvine, qui se désespérait, eut alors une idée, en songeant au cousin Dubreuil, ce parent du père Fouchard qu'elle connaissait, et dont la propriété, l'ermitage, se trouvait à quelques 100 pas, en haut des ruelles dominant le faubourg. Peut-être l'écouterait-on, lui, un bourgeois. Elle emmena Prosper, puisqu'on les laissait libres, à la condition de garder la charrette. Ils coururent, ils trouvèrent la grille de l'ermitage grande ouverte, et, de loin, comme ils s'engageaient dans l'allée des ormes séculaires, un spectacle qu'ils aperçurent les étonna beaucoup. « Fichtre ! » dit Prosper. « En voilà qui se la coule douce !» C'était, au bas du perron, sur le gravier fin de la terrasse, toute une réunion joyeuse, autour d'un guéridon à tablette de marbre, des fauteuils et un canapé de satin bleu ciel formaient le cercle, étalant au plein air un salon étrange que la pluie devait tremper depuis la veille. Deux zouaves, vautrés aux deux bouts du canapé, semblaient éclater de rire. Un petit fantassin, qui occupait un fauteuil, penché en avant, avait l'air de se tenir le ventre. Trois autres s'accoudaient nonchalamment au bras de leur siège, tandis qu'un chasseur avançait la main, comme pour prendre un verre sur le guéridon. Évidemment, ils avaient vidé la cave et faisaient la fête. « Comment peuvent-ils encore être là ? » murmurait Prosper, de plus en plus stupéfié à mesure qu'il avançait. « Les bougres, ils se fichent donc des Prussiens ?» Mais Sylvine, dont les yeux se dilataient, jeta un cri, eut un brusque geste d'horreur. Les soldats ne bougeaient pas, ils étaient morts. Les deux zouaves, raidis, les mains tordues, n'avaient plus de visage, le nez arraché, les yeux sautaient des orbites. Le rire de celui qui se tenait le ventre venait de ce qu'une balle lui avait fendu les lèvres en lui cassant les dents. Et cela était vraiment atroce. Ces misérables qui causaient, dans leurs attitudes cassées de mannequins, les regards vitreux, les bouches ouvertes, tous glacés, immobiles à jamais. S'étaient-ils traînés à cette place, vivants encore, pour mourir ensemble? Était-ce plutôt les Prussiens qui avaient fait la farce de les ramasser puis de les asseoir en rond par une moquerie de la vieille gaieté française? Drôle de rigolade tout de même! Reprit Prosper, pâlissant. Et, regardant les autres morts, en travers de l'allée, au pied des arbres, dans les pelouses, cette trentaine de braves, parmi lesquels le corps du lieutenant Rochat gisait, troué de blessures, enveloppé du drapeau, il ajouta d'un air sérieux, de grand respect, « On s'est joliment bûché par ici. Ça m'étonnerait si nous y trouvions le bourgeois que vous cherchez. » Déjà, Sylvine entrait dans la maison, dont les fenêtres et les portes défoncées bâillaient à l'air humide. En effet, il n'y avait évidemment là personne. Les maîtres devaient être partis avant la bataille. Puis, comme elle s'entêtait et qu'elle pénétrait dans la cuisine, elle laissa de nouveau échapper un cri d'effroi. Sous l'évier, deux corps avaient roulé. Un zouave, un bel homme à barbe noire, et un Prussien énorme, les cheveux rouges, tous les deux enlacés furieusement. Les dents de l'un étaient entrées dans la joue de l'autre, les bras raidis n'avaient pas lâché prise, faisant encore craquer les colonnes vertébrales rompues, nouant les deux corps d'un tel nœud d'éternelle rage qu'il allait falloir les enterrer ensemble. Alors, Prosper se hâta d'emmener Sylvine, puisqu'il n'avait rien à faire dans cette maison ouverte, habitée par la mort. Et, lorsque, désespéré, ils furent revenus au poste qui avait retenu l'âne et la charrette, ils eurent la chance de trouver, avec l'officier Cyrude, un général en train de visiter le champ de bataille. Celui-ci voulut prendre connaissance du laissez-passer, puis il le rendit à Sylvine. Il eut un geste de pitié pour dire qu'on laissa aller cette pauvre femme avec son âne en quête du corps de son mari. Sans attendre, suivie de l'étroite charrette, elle et son compagnon remontèrent vers le fond de Givonne, obéissant à la défense nouvelle qui leur était faite de traverser Sedan. Ensuite, ils tournèrent à gauche pour gagner le plateau d'Illy, par la route qui traverse le bois de la Garenne. Mais là encore, ils furent attardés. Ils crurent 20 fois qu'ils ne pourraient franchir le bois, tellement les obstacles se multipliaient. À chaque pas, des arbres coupés par les obus, abattus tels que des géants, barraient la route. C'était la forêt bombardée, au travers de laquelle la canonnade avait tranché des existences séculaires, comme au travers d'un carré de la vieille garde, d'une solidité immobile de vétérans. De toutes parts, des troncs gisaient, dénudés, troués, fendus, ainsi que des poitrines. Et cette destruction, ce massacre de branches pleurant leur sève, avait l'épouvante navrée d'un champ de bataille humain. Puis, c'était aussi des cadavres, des soldats tombés fraternellement avec les arbres. Un lieutenant, la bouche sanglante, avait encore les deux mains enfoncées dans la terre, arrachant des poignées d'herbe. Plus loin, un capitaine était mort sur le ventre, la tête soulevée, en train de hurler sa douleur. D'autres semblaient dormir parmi les broussailles, tandis qu'un zouave, dont la ceinture bleue s'était enflammée, avait la barbe et les cheveux grillés complètement. Et il fallut, à plusieurs reprises, le long de cet étroit chemin forestier, écarter un corps pour que l'âne pût continuer sa route. Tout d'un coup, dans un petit vallon, l'horreur cessa. Sans doute la bataille avait passé ailleurs, sans toucher à ce coin de nature délicieux. Pas un arbre n'était effleuré, pas une blessure n'avait saigné sur la mousse. Un ruisseau coulait parmi les lentilles d'eau, le sentier qui le suivait était ombragé de grands hêtres. C'était un charme pénétrant, d'une paix adorable, cette fraîcheur des eaux vives, ce silence frissonnant des verdures. Prosper avait arrêté l'âne pour le faire boire au ruisseau. « Ah, qu'on est bien ici !» dit-il dans un cri involontaire de soulagement. D'un œil étonné, Sylvine regarda autour d'elle, inquiète de se sentir, elle aussi, délassée et heureuse. Pourquoi donc le bonheur si paisible de ce coin perdu, lorsque, alentour, il n'y avait que deuil et souffrance? Elle eut un geste désespéré de hâte. « Vite, vite, allons. Où est-ce? Où êtes-vous certain d'avoir vu Honoré ?» Et, à 50 pas de là, comme il débouchait enfin sur le plateau d'Illy, la plaine rase se déroula brusquement devant eux. Cette fois, c'était le vrai champ de bataille, les terrains nus s'étalant jusqu'à l'horizon, sous le grand ciel blafard, d'où ruisselaient de continuelles averses. Les morts n'y étaient pas entassés, tous les Prussiens déjà avaient dû être ensevelis, car il n'en restait pas un. Parmi les cadavres épars des Français, semés le long des routes, dans les chaumes, au fond des creux, selon les hasards de la lutte. Contre une haie, le premier qu'ils rencontrèrent était un sergent, un homme superbe, jeune et fort, qui semblait sourire de ses lèvres entr'ouvertes, le visage calme. Mais 100 pas plus loin, en travers de la route, ils en virent un autre, mutilé affreusement, la tête à demi emportée, les épaules couvertes des éclaboussures de la cervelle. Puis, après les corps isolés, çà et là, il y avait de petits groupes. Ils en aperçurent 7 à la file, le genou en terre, l'arme à l'épaule, frappés comme ils tiraient. Tandis que près d'eux, un sous-officier était tombé assis dans l'attitude du commandement. La route ensuite filait le long d'un étroit ravin, et ce fut là que l'horreur les reprit, en face de cette sorte de fossé où toute une compagnie semblait avoir culbuté sous la mitraille. Des cadavres l'emplissaient, un écroulement, une dégringolade d'hommes enchevêtrés, cassés, dont les mains tordues avaient écorché la terre jaune sans pouvoir se retenir. Et un vol noir de corbeaux s'envola avec des croissements. Et déjà, des essaims de mouches bourdonnaient au-dessus des corps, revenaient obstinément, par milliers, boire le sang frais des blessures. « Où est-ce donc ?» répéta Sylvine. Ils longeaient alors une terre labourée entièrement couverte de sacs. Quelques régiments avaient dû se débarrasser, là, serrés de trop près, dans un coup de panique. Les débris dont le sol était semé disaient les épisodes de la lutte. Dans un champ de betteraves, des képis épars, semblables à de larges coquelicots, des lambeaux d'uniformes, des épaulettes, des ceinturons, racontaient un contact farouche, un des rares corps à corps du formidable duel d'artillerie qui avait duré 12 heures. Mais surtout, ce qu'on heurtait à chaque pas, c'était des débris d'armes, des sabres, des baïonnettes, des chassepots, en si grand nombre qu'il semblait être une végétation de la terre, une moisson qui aurait poussé, en un jour abominable. Des gamelles, des bidons également jonchaient les chemins, tout ce qui s'était échappé des sacs éventrés, du riz, des brosses, des cartouches. Et les terres se succédaient au travers d'une dévastation immense, les clôtures arrachées, les arbres comme brûlés dans un incendie, le sol lui-même creusé par les obus, piétiné, durci sous le galop des foules, si ravagé qu'il paraissait devoir rester à jamais stérile. La pluie noyait tout de son humidité blafarde. Une odeur se dégageait, persistante, cette odeur des champs de bataille, qui sentent la paille fermentée, le drap brûlé, un mélange de pourriture et de poudre. Sylvine, lasse de ces champs de mort où elle croyait marcher depuis des lieues, regardait autour d'elle avec une angoisse croissante. « Où est-ce ? Où est-ce donc ?» Mais Prosper ne répondait pas, devenait inquiet. Lui, ce qui le bouleversait, plus encore que les cadavres des camarades, c'était les corps des chevaux, les pauvres chevaux sur le flanc qu'on rencontrait en grand nombre. Il y en avait vraiment de lamentables, dans des attitudes affreuses, la tête arrachée, les flancs crevés, laissant couler les entrailles. Beaucoup, sur le dos, le ventre énorme, dressaient en l'air leurs quatre jambes raides, pareilles à des pieux de détresse. La plaine sans bornes en était bossuée. Quelques-uns n'étaient pas morts après une agonie de 2 jours. Et ils levaient, au moindre bruit, leur tête souffrante, la balançaient à droite, à gauche, la laissaient retomber. Tandis que d'autres, immobiles, jetaient par instant un grand cri, cette plainte du cheval mourant, si particulière, si effroyablement douloureuse, que l'air en tremblait. Et Prosper, le cœur meurtri, songeait à Zéphyr, avec l'idée qu'il allait peut-être le revoir. Brusquement, il sentit le sol frémir sous le galop d'une charge enragée. Il se retourna, il n'eut que le temps de crier à sa compagne « Les chevaux ! Les chevaux ! Jetez-vous derrière ce mur !» Du haut d'une pente voisine, une centaine de chevaux, libres, sans cavalier, quelques-uns encore portant tout un paquetage, dévalaient, roulaient vers eux d'un train d'enfer. C'étaient les bêtes perdues, restées sur le champ de bataille, qui se réunissaient ainsi en troupe par un instinct. Sans foin ni avoine, depuis l'avant-veille, elles avaient tondu l'herbe rare, entamé les haies, rongé l'écorce des arbres. Et quand la faim les cinglait au ventre comme à coups d'éperon, elles partaient toutes ensemble d'un galop fou. Elles chargeaient au travers de la campagne, vide et muette, écrasant les morts, achevant les blessés. La trombe approchait. Sylvie n'eut que le temps de tirer l'âne et la charrette à l'abri du petit mur. « Mon Dieu, ils vont tout briser !» Mais les chevaux avaient sauté l'obstacle. Il n'y eut qu'un roulement de foudre, et déjà ils galopaient de l'autre côté, s'engouffrant dans un chemin creux, jusqu'à la corne d'un bois, derrière lequel ils disparurent. Lorsque Sylvie n'eut ramené l'âne dans le chemin, elle exigea que Prosper lui répondît « Voyons, où est-ce » Lui, debout, jetait des regards aux quatre points de l'horizon. « Il y avait trois arbres. Il faut que je retrouve les trois arbres. »« Ah, dame, on ne voit pas très clair quand on se bat, et ce n'est guère commode de savoir ensuite les chemins qu'on a pris. » Puis, apercevant du monde à sa gauche, deux hommes et une femme, il eut l'idée de les questionner. Mais à son approche, la femme s'enfuit, les hommes l'écartèrent du geste, menaçant. Et il en vit d'autres, et tous l'évitaient, filaient entre les broussailles, comme des bêtes rampantes et sournoises, vêtues sordidement d'une saleté sans nom, avec des faces louches de bandits. Alors, en remarquant que les morts, derrière ce vilain monde, n'avaient plus de souliers, les pieds nus et blêmes, il finit par comprendre que c'était là de ces rôdeurs qui suivaient les armées allemandes, des détrousseurs de cadavres, toute une basse juiverie de proies venue à la suite de l'invasion. Un grand maigre fila devant lui en galopant, les épaules chargées d'un sac, les poches sonnantes des montres et des pièces blanches volées dans les goussets. Pourtant, un garçon de 13 à 14 ans laissa Prosper l'approcher, et comme celui-ci, en reconnaissant un Français, le couvrait d'injures, ce garçon protesta. « Quoi donc? Est-ce qu'on ne pouvait plus gagner sa vie ?» Il ramassait les chassepots. On lui donnait 5 sous par chassepot qu'il retrouvait. Le matin, ayant fui de son village, le ventre vide depuis la veille, il s'était laissé embaucher par un entrepreneur luxembourgeois qui avait traîné avec les Prussiens pour cette récolte des fusils sur le champ de bataille. Ceux-ci, en effet, craignaient que les armes, si elles étaient recueillies par les paysans de la frontière, ne fussent portées en Belgique pour rentrer de là en France. Et toute une nuée de pauvres diables était à la chasse des fusils, cherchant des 5 sous, fouillant les herbes, pareilles à ces femmes qui, la taille ployée, vont cueillir des pissenlits dans les prés. « Fichue besogne !» grogna Prosper. « Dame, faut bien manger !» répondit le garçon. « Je ne vole personne !» Puis, comme il n'était pas du pays et qu'il ne pouvait donner aucun renseignement, il se contenta de montrer de la main une petite ferme voisine où il avait vu du monde. Prosper le remerciait et s'éloignait pour rejoindre Sylvine, lorsqu'il aperçut un chasse-pot à moitié enterré dans un sillon. D'abord, il se garda bien de l'indiquer, et brusquement, il revint. Il cria comme malgré lui. « Tiens, il y en a un là, ça te fera 5 sous de plus !» Sylvine, en approchant de la ferme, remarqua d'autres paysans en train de creuser à la pioche de longues tranchées. Mais cela était sous les ordres directs d'officiers prussiens, qui, une simple badine aux doigts, raides et muets, surveillaient l'ouvrage. On avait ainsi réquisitionné les habitants des villages pour enterrer les morts, dans la crainte que le temps pluvieux ne hâtât la décomposition. 2 chariots de cadavres étaient là. Une équipe les déchargeait, les couchait rapidement côte à côte, en un rang serré, sans les fouiller ni même les regarder au visage, tandis que 3 hommes, armés de grandes pelles, suivaient, recouvraient le rang d'une couche de terre si mince que déjà, sous les averses, des gerçures fendillaient le sol. Avant 15 jours, tant ce travail était hâtif, la peste soufflerait par toutes ses fentes. Et Sylvine ne put s'empêcher de s'arrêter au bord de la fosse, de les dévisager à mesure qu'on les apportait, ces misérables morts. Elle frémissait d'une horrible crainte, avec l'idée, à chaque visage sanglant, qu'elle reconnaissait honoré. N'était-ce pas ce malheureux dont l'œil gauche manquait? Ou celui-ci peut-être, qui avait les mâchoires fendues? Si elle ne se hâtait pas de le découvrir, sur ce plateau vague et sans fin, certainement qu'on allait le lui prendre et l'enfouir dans le tas parmi les autres. Aussi, courut-elle pour rejoindre Prosper, qui avait marché jusqu'à la porte de la ferme avec l'âne. « Mon Dieu, où est-ce donc ? Demandez, interrogez !» Dans la ferme, il n'y avait que des Prussiens, en compagnie d'une servante et de son enfant, revenus des bois, où ils avaient failli mourir de faim et de soif. C'était un coin de patriarcale bonhomie, d'honnête repos, après les fatigues des jours précédents. Des soldats brossaient soigneusement leurs uniformes, étendus sur les cordes à sécher le linge. Un autre achevait une habile reprise à son pantalon, tandis que le cuisinier du poste, au milieu de la cour, avait allumé un grand feu sur lequel bouillait la soupe, une grosse marmite qui exhalait une bonne odeur de choux et de lard. Déjà, la conquête s'organisait avec une tranquillité, une discipline parfaite. On aurait dit des bourgeois rentrés chez eux, fumant leur longue pipe. Sur un banc, à la porte, un gros homme roux avait pris dans ses bras l'enfant de la servante, un bambin de 5 à 6 ans, et il le faisait sauter, il lui disait en allemand des mots de caresse, très amusé de voir l'enfant rire de cette langue étrangère aux rudes syllabes qu'il ne comprenait pas. Tout de suite, Prosper tourna le dos, dans la crainte de quelques nouvelles mésaventures. Mais ces Prussiens-là étaient décidément du brave monde. Ils souriaient au petit âne, ils ne se dérangèrent même pas pour demander à voir le laissez-passer. Alors, ce fut une marche folle. Entre deux nuages, le soleil apparut un instant, déjà bas sur l'horizon. Est-ce que la nuit allait tomber et les surprendre dans ce charnier sans fin ? Une nouvelle averse noya le soleil, il ne resta autour d'eux que l'infini blafard de la pluie, une poussière d'eau qui effaçait tout, les routes, les champs, les arbres. Lui ne savait plus, était perdu, et il l'avoua. À leur suite, l'âne trottait du même train, la tête basse, traînant la petite charrette de son pas résigné de bête docile. Ils montèrent au nord, ils revinrent vers Sedan. Toute direction leur échappait. Ils rebroussèrent chemin à deux reprises, en s'apercevant qu'ils passaient par les mêmes endroits. Sans doute, ils tournaient en cercle, et ils finirent, désespérés, épuisés, par s'arrêter à l'angle de trois routes, flagellés de pluie, sans force pour chercher davantage. Mais des plaintes les surprirent. Ils poussèrent jusqu'à une petite maison isolée sur leur gauche, où ils trouvèrent deux blessés au fond d'une chambre. Les portes étaient grandes ouvertes, et depuis 2 jours qu'ils grelottaient la fièvre, sans être pansés seulement, ceux-ci n'avaient vu personne, pas une âme. La soif surtout les dévorait, au milieu du ruissellement des averses qui battaient les vitres. Ils ne pouvaient bouger. Ils jetèrent tout de suite le cri « À boire ! À boire !» Ce cri d'avidité douloureuse dont les blessés poursuivent les passants, au moindre bruit de pas qui les tire de leur somnolence. Lorsque Sylvine leur eut apporté de l'eau, Prosper, qui, dans le plus maltraité, avait reconnu un camarade, un chasseur d'Afrique de son régiment, comprit qu'on ne devait pourtant pas être loin des terrains où la division Marguerite avait chargé. Le blessé finit par avoir un geste vague. Oui, c'était par là, en tournant à gauche, après avoir passé un grand champ de luzerne. Et sans attendre, Sylvine voulut repartir avec ce renseignement. Elle venait d'appeler, au secours des deux blessés, une équipe qui passait, ramassant les morts. Elle avait déjà repris la bride de l'âne, elle le traînait par les terres glissantes, avec la hâte d'être là-bas, au-delà des luzernes. Prosper, brusquement, s'arrêta. « Ça doit être par ici. Tenez, à droite, voilà les 3 arbres. Voyez-vous la trace des roues ? Là-bas, il y a un caisson brisé. Enfin, nous y sommes !» Frémissante, Sylvine s'était précipitée, et elle regardait au visage 2 morts, 2 artilleurs tombés sur le bord du chemin. « Mais il n'y est pas ! Il n'y est pas ! Vous aurez mal vu ! Oui, une idée comme ça, une idée fausse qui vous aura passé par les yeux !» Peu à peu, un espoir fou, une joie délirante l'envahissait. « Si vous vous étiez trompé, s'il vivait ! Et bien sûr qu'il vit, puisqu'il n'est pas là !» Tout à coup, elle jeta un cri sourd. Elle venait de se retourner, elle se trouvait sur l'emplacement même de la batterie. C'était effroyable. Le sol bouleversé comme par un tremblement de terre, des débris traînant partout, des morts renversés en tous sens, dans d'atroces postures, les bras tordus, les jambes repliées, la tête déjetée, hurlant de leur bouche aux dents blanches, grandes ouvertes. Un brigadier était mort, les deux mains sur les paupières, en une crispation épouvantée, comme pour ne pas voir. Des pièces d'or qu'un lieutenant portait dans une ceinture avaient coulé avec son sang, éparses parmi ses entrailles. L'un sur l'autre, le ménage, Adolphe le conducteur et le pointeur Louis, avec leurs yeux sortis des orbites, restaient farouchement embrassés, mariés jusque dans la mort. Et c'était enfin Honoré, couché sur sa pièce bancale, ainsi que sur un lit d'honneur, foudroyé au flanc et à l'épaule, la face intacte et belle de colère, regardant toujours là-bas vers les batteries prussiennes. « Oh, mon ami !» sanglota Sylvine. « Mon ami !» Elle était tombée à genoux, sur la terre détrempée, les mains jointes, dans un élan de folle douleur. Ce mot d'ami qu'elle trouvait seul disait la tendresse qu'elle venait de perdre, cet homme si bon qui lui avait pardonné, qui consentait à faire d'elle sa femme, malgré tout. Maintenant, c'était la fin de son espoir, elle ne vivrait plus. Jamais elle n'en avait aimé un autre, et elle l'aimerait toujours. La pluie cessait, un vol de corbeaux qui tournoyait en croissant au-dessus des trois arbres, l'inquiétait comme une menace. Est-ce qu'on voulait le lui reprendre, ce cher mort si péniblement retrouvé? Elle s'était traînée sur les genoux. Elle chassait d'une main tremblante les mouches voraces bourdonnant au-dessus des deux yeux grands ouverts dont elle cherchait encore le regard. Mais entre les doigts crispés d'Honoré, elle aperçut un papier taché de sang. Alors elle s'inquiéta, tâcha d'avoir ce papier. La petite secousse. Le mort ne voulait pas le rendre, le retenait, si étroitement qu'on ne l'aurait arraché qu'en morceaux. C'était la lettre qu'elle lui avait écrite, la lettre gardée par lui entre sa peau et sa chemise, serrée ainsi, comme pour un adieu, dans la convulsion dernière de l'agonie. Et lorsqu'elle l'eut reconnue, elle fut pénétrée d'une joie profonde au milieu de sa douleur, toute bouleversée de voir qu'il était mort en pensant à elle. Ah, certes oui, elle la lui laisserait la chère lettre. Elle ne la reprendrait pas, puisqu'il tenait si obstinément à l'emporter dans la terre. Une nouvelle crise de larmes la secoua, des larmes tièdes et douces maintenant. Elle s'était relevée, elle lui baisait les mains, elle lui baisa le front, en ne répétant toujours que ce mot d'infinie caresse, « Mon ami, mon ami !» Cependant, le soleil baissait. Prosper était allé chercher la couverture, et tous deux, avec une pieuse lenteur, soulevèrent le corps d'Honoré, le couchèrent sur cette couverture, étalée par terre. Puis, après l'avoir enveloppé, ils le portèrent dans la charrette. La pluie menaçait de reprendre, il se remettait en marche, avec l'âne, petit cortège morne, au travers de la plaine scélérate, lorsqu'un lointain roulement de foudre se fit entendre. Prosper, de nouveau, cria « Les chevaux ! Les chevaux !» C'était encore une charge des chevaux errants, libres et affamés. Ils arrivaient cette fois par un vaste chaume plat, en une masse profonde, les crinières au vent, les naseaux couverts d'écume. Et un rayon oblique du rouge soleil projetait à l'autre bout du plateau le vol frénétique de leur course. Tout de suite, Sylvine s'était jetée devant la charrette, les deux bras en l'air comme pour les arrêter, d'un geste de furieuse épouvante. Heureusement, ils dévièrent à gauche, détournés par une pente du terrain. Ils auraient tout broyé. La terre tremblait, leurs sabots lancèrent une pluie de cailloux, une grêle de mitraille qui blessa l'âne à la tête. et ils disparurent au fond d'un ravin. « C'est la faim qui les galope, » dit Prosper. « Pauvre bête !» Sylvine, après avoir bandé l'oreille de l'âne avec son mouchoir, venait de reprendre la bride. Et le petit cortège lugubre retraversa le plateau, en sens contraire, pour refaire les deux lieues qui le séparaient de Remilly. À chaque pas, Prosper s'arrêtait, regardait les chevaux morts, le cœur gros de s'éloigner ainsi, sans avoir revu Zéphyr. Un peu au-dessous du bois de la Garenne, comme il tournait à gauche pour reprendre la route du matin, un poste allemand exigea leur laisser passer, et au lieu de les écarter de Sedan, ce poste-ci leur ordonna de passer par la ville sous peine d'être arrêtés. Il n'y avait pas à répondre, c'étaient les ordres nouveaux. D'ailleurs, leur retour allait en être raccourci de 2 kilomètres, et ils en étaient heureux, brisés de fatigue. Mais dans Sedan, leur marche fut singulièrement entravée. Dès qu'ils eurent franchi les fortifications, une puanteur les enveloppa. Un lit de fumier leur monta aux genoux. C'était la ville immonde, un cloaque où, depuis 3 jours, s'entassaient les déjections et les excréments de 100 000 hommes. Toutes sortes de détritus avaient épaissi cette litière humaine, de la paille, du foin que faisait fermenter le crottin des bêtes. Et surtout, les carcasses des chevaux, abattues et dépecées en plein carrefour, empoisonnaient l'air. Les entrailles se pourrissaient au soleil, les têtes, les os traînaient sur le pavé, grouillant de mouches. Certainement, la peste allait souffler si l'on ne se hâtait pas de balayer à l'égout cette couche d'effroyable ordure, qui, rue du Ménil, rue Maca, même sur la place Turenne, atteignait jusqu'à 20 centimètres. Des affiches blanches, du reste, posées par les autorités prussiennes, réquisitionnaient les habitants pour le lendemain, ordonnant à tous, quels qu'ils fussent, ouvriers, marchands, bourgeois, magistrats, de se mettre à la besogne, armés de balais et de pelles, sous la menace des peines les plus sévères, si la ville n'était pas propre le soir. Et déjà, l'on pouvait voir devant sa porte le président du tribunal qui raclait le pavé, jetant les immondices dans une brouette avec une pelle à feu. Sylvine et Prosper, qui avaient pris par la grande rue, ne purent avancer qu'à petits pas au milieu de cette boue fétide. Puis, toute une agitation emplissait la ville, leur barrait le chemin à chaque minute. C'était le moment où les Prussiens fouillaient les maisons pour en faire sortir les soldats cachés, qui s'obstinaient à ne pas se rendre. La veille, lorsque vers 2 heures le général de Wimpfen était revenu du château de Bellevue, après y avoir signé la capitulation, le bruit avait circulé tout de suite que l'armée prisonnière allait être enfermée dans la presqu'île d'Ige, en attendant qu'on organisât des convois pour la conduire en Allemagne. Quelques rares officiers comptaient profiter de la clause qui les faisait libres, à la condition de s'engager par écrit à ne plus servir. Seul un général, disait-on, le général Bourguin des Feuilles, prétextant ses rhumatismes, venait de prendre cet engagement. Et le matin même, des huées avaient salué son départ quand il était monté en voiture devant l'hôtel de la Croix d'Or. Depuis le petit jour, le désarmement s'opérait. Les soldats devaient défiler sur la place Turenne pour jeter chacun ses armes, les fusils, les baïonnettes, au tas qui grandissait, pareil à un écroulement de ferraille dans un angle de la place. Il y avait là un détachement prussien, commandé par un jeune officier, un grand garçon pâle, en tunique bleu ciel, coiffé d'une toque à plumes de coq, qui surveillait ce désarmement d'un air de correction hautaine, les mains gantées de blanc. Un zouave, ayant d'un mouvement de révolte refusé son chassepot, l'officier l'avait fait emmener, en disant sans le moindre accent « Qu'on me fusille, cet homme-là » Les autres, mornes, continuaient à défiler, jetaient leurs fusils d'un geste mécanique dans leur hâte d'en finir. Mais combien, déjà, étaient désarmés ? Ceux dont les chassepots traînaient là-bas par la campagne, et combien, depuis la veille, se cachaient, faisaient le rêve de disparaître au milieu de l'inexprimable confusion. Les maisons, envahies, en restaient pleines de ces entêtés qui ne répondaient pas, qui se terraient dans les coins. Des patrouilles allemandes, fouillant la ville, en trouvaient de blottis jusque sous des meubles. Et, comme beaucoup, même découverts, s'obstinaient à ne pas sortir des caves, elles s'étaient décidées à tirer des coups de feu par les soupiraux. C'était une chasse à l'homme, toute une battue abominable. Au pont de Meuse, l'âne fut arrêté par un encombrement de foule. Le chef du poste, qui gardait le pont, méfiant, croyant à quelque commerce de pain ou de viande, voulut s'assurer du contenu de la charrette. Et, lorsqu'il eut écarté la couverture, il regarda un instant le cadavre d'un air saisi. Puis, d'un geste, il livra le passage. Mais on ne pouvait toujours pas avancer. L'encombrement augmentait. C'était un des premiers convois de prisonniers qu'un détachement prussien conduisait à la presqu'île d'Ige. Le troupeau ne cessait pas. Des hommes se bousculaient, se marchaient sur les talons, dans leurs uniformes en lambeaux, la tête basse, les regards obliques, avec le dos rond et les bras ballants des vaincus, qui n'ont même plus de couteau pour s'ouvrir la gorge. La voix rude de leurs gardiens les poussait comme à coups de fouet, au travers de la débandade silencieuse, où l'on n'entendait que le clapotement des gros souliers dans la boue épaisse. Une ondée venait de tomber encore, et rien n'était plus lamentable, sous la pluie, que ce troupeau de soldats déchus, pareils aux vagabonds et aux mendiants des grandes routes. Brusquement, Prosper, dont le cœur de vieux chasseur d'Afrique battait à se rompre, de rage étouffée, poussa du coude Sylvine en lui montrant deux soldats qui passaient. Il avait reconnu Maurice et Jean, emmenés avec les camarades, marchant fraternellement côte à côte. Et la petite charrette, enfin, ayant repris sa marche derrière le convoi, il put les suivre du regard jusqu'au faubourg de Torcy, sur cette route plate qui conduit à Ige, au milieu des jardins et des cultures maraîchères. « Ah !» murmura Sylvine, les yeux vers le corps d'Honoré, bouleversée de ce qu'elle voyait. « Les morts, peut-être, sont plus heureux !» La nuit, qui les surprit à Vadelincourt, était noire depuis longtemps lorsqu'ils rentrèrent à Remilly. Devant le cadavre de son fils, le père Fouchard resta stupéfait, car il était convaincu qu'on ne le retrouverait pas. Lui venait d'occuper sa journée à conclure une bonne affaire. Les chevaux des officiers, volés sur le champ de bataille, se vendaient couramment 20 francs pièce, et il en avait acheté 3 pour 45 francs.